Genre d'acoustique, pas besoin de casting. T'as qu'à acquiescer, tu sais qui c'est qui mettra pas de string. Ouais, y'a trop de gens qui s'astiquent, mec, tu monteras pas sur le ring. Carton son par un steak, tu crois qu'il pète la chasse. Yo, yo, balance une patate qui en fout. Mec, juste pour info, j'ai plus de souplesse que Kung Fu. Yo, yo, le son de masse, nous on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est un son qui fracasse tout. Yo, c'est du son beat, c'est du putain de son de Kaira. Si ça sent le shit, c'est que tous mes gars sont fire. Du son 17-8, plus gros consommateur d'Aya. Pas de pollen dans mon fût, si c'est pas le pays à Maya. Mec sur flow, c'est plus pas sortir des hé ou des bom bom bom. Ça ressemble à peine à une impro. Ça fait bof bof bof. Pourquoi je passe pour un Amazon 7-8 ma zone, ça voit mon usine. Fuck les amènes, vous aimez les sons doux. Dans leur texte c'est la Soudanie, on dirait des bassins. Même oh, oh, j'achète un putain poulet en face aux jambes. Oh, oh, mec c'est plus la peine d'écouter mal. Oh, oh, vas-y virer son vieux son dans le dépôt. La chaîne de pour elle pour la radio. Même oh, oh, j'achète un putain poulet en face aux jambes. Oh, oh, mec c'est plus la peine d'écouter mal. Oh, oh, vas-y virer son vieux son dans le dépôt. La chaîne de pour elle pour la radio. Même oh, oh, j'achète un putain poulet en face aux jambes. Oh, oh, mec c'est plus la peine d'écouter mal. Oh, oh, va vite virer son vieux son dans le dépôt. La dose de pauvre et pour la radio. Oh, oh, j'ai sa putain poule en face aux jambes. Oh, oh, mec c'est plus la peine d'écouter mal. Oh, oh, va vite virer son vieux son dans le dépôt. La dose de pauvre et pour la radio. Faites mes insoles, bas côté, j'viens boycotter. Le rap français, c'est boy scout qu'on a capté. Ce captain sombre, ça fait façon fait ça simple. Si c'est sombre, c'est que ça a macéré dans le sens.